Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Rétrospective de l'année du monde du soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, on va parler évidemment, on va commencer par l'impact de Montréal. C'était une année coup-ci, coup-ça, qui a bien fini et qui laisse place à beaucoup d'enthousiasme pour la prochaine saison à cause de l'arrivée de Thierry Henry. Oui, si on fait un résumé, parce que là, on parle de bilan 2019, ouais. Danny, si on fait un résumé rapide, on va se rappeler, tout d'abord, il y a eu le début de saison en mars, février-mars l'année passée, mars, en tout cas, puis il y a eu un long début à l'extérieur, l'impact s'en est bien sorti quand même, on va se rappeler de ce moment-là. On pensait que ça allait être positif pour la suite des choses et peut-être qu'on avait toujours en fond d'écran la possibilité d'aller en série Coupe MLS. Et là, ben, il y a eu l'arrivée à Montréal et puis tout ça. Congédiement de Rémi Garde au mois d'août par la suite. L'arrivée de Wilmer Cabrera. C'était une drôle d'histoire. C'est sûr que Rémi Garde, des fois qu'on entendait ses conférences de presse après match, c'était pas toujours simple. Il y avait des commentaires des fois qui n'étaient pas évidents. Peut-être que ça plaisait pas nécessairement à l'organisation, à l'administration. Il faut parler aussi que le nouveau président aussi qui est arrivé. Il est arrivé à la fin de l'année 2018. En tout cas, il avait été annoncé. Gilmore, en tout cas, à travers tout ça aussi, que lui était dans ses premiers pas avec l'Impact aussi. Le congédiement de Rémi Garde. Par la suite, bien entendu, le championnat canadien de l'Impact, une belle victoire. Ça a tout pris pour battre des équipes de Calgary et de York en quart et en demi-finale, mais on a réussi à battre la grosse équipe du FC Toronto en finale au tir au but. On va se rappeler de ces moments-là, donc très intéressant. Par la suite, donc, on a annoncé que Cabrera ne sera pas de retour en 2020. Ouais. Et là, c'est la grosse annonce de l'année, l'annonce du gros joueur Thierry Henry, l'ancien grand joueur de la France. Il y a eu de la difficulté avec Monaco et puis tout ça, mais quand même, je pense que c'est un avenir positif, je pense, qu'il faut prendre avec l'Impact de Montréal. Et bien entendu, au mois de février 2020, les matchs de la Ligue des champions CONCACAF là, contre l'équipe de Costa Rica. Là. Et avant la fin de l'année 2020, ben la signature de notre Québécois, Samuel Piette, là, qui c'est très important, je pense, pour les joueurs québécois, les joueurs francophones, il y a peut-être une possibilité là pour des joueurs formés au Québec d'avoir la chance de jouer un jour avec l'Impact de Montréal, parce qu'il y a beaucoup de joueurs au niveau québécois, là, donc ça prend des avenues à des endroits. Donc, à voir pour l'Impact, donc c'est un peu le résumé, le bilan. Moi, je pense que malgré la saison difficile, On a fini ça en positif avec le championnat canadien. Et là, ben, on est prêt pour la Ligue des champions CONCACAF en février. J'ai hâte de voir, parce que j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que ça n'a pas été facile non plus cette année chez l'Impact. C'est sûr que là, on va en parler dans le deuxième segment, c'est que tu prévois, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que ça, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, sauf que Thierry Henry, on se rappelle à Monaco, ça n'a pas été un succès. C'est vrai qu'il a été juste 3 mois. Mais tiens, on va lui donner une chance. Planète Foot, tu veux nous parler de la Planète Foot maintenant? Ben, Planète Foot, c'est grand. Quand je dis Planète Foot, c'est le concept de sport soccer, c'est un peu ça. C'est le soccer international, la Planète Foot, le soccer de l'Impact national, le régional. Donc, c'était un peu ça, mon résumé de l'année. Alors, je vais aller tranquillement avec le gagnant de la Ligue des champions en mai dernier, le FC Liverpool. Le 4e titre de Liverpool contre Tottenham, une victoire de 2-0. On va se rappeler que Tottenham avait causé des surprises en se rendant là. Il y a eu la Juventus qu'on a éliminée. Liverpool, on va se rappeler de la demi-finale, une défaite de 3-0 à Barcelone et le match retour à Liverpool, une victoire de 4-0 pour éliminer le Barça et le Lionel Messi, alors que Messi était en feu, tirait des coups francs, avait marqué un but incroyable sur un coup franc contre Liverpool. Donc, il faut féliciter Liverpool qui a remporté là un 4e titre en Ligue des champions. Au niveau CONCACAF, ben, c'est le Monterrey, club de Monterrey qui a remporté. On les a vus à Coupe du Monde des clubs, je vais en parler un petit peu plus tard après. Flamengo au Brésil, un club brésilien qui a surpris la Copa Libertadores, qui est un peu le semblant de la Ligue des champions en Amérique du Sud. Donc, c'est des clubs qui ont remporté à ces moments-là, qu'on connaît un peu plus là, les continents de ce coin-là. Il y a eu la Copa América. Il ne faut pas oublier, Danny, qu'il y a eu la Copa América l'année passée au Brésil. Une victoire du Brésil, un 9e titre, une victoire contre le Pérou, une victoire de 3-1. Le Pérou avait créé la surprise en demi-finale contre le Chili, qui était le champion des années antérieures de la Copa América. Il faut rappeler, Danny, que je ne sais pas comment le continent, eux, fonctionne, les organisations. Il y a encore une Copa América l'été prochain. Oui. C'est peut-être la dernière chance de Messi de remporter un titre avec l'Argentine. Là. Ça serait être en Argentine et en Colombie, donc à surveiller l'été prochain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que Messi peut avoir encore une chance de gagner un titre avec son équipe nationale. Faut rappeler que, oui, tantôt, je t'ai parlé de Liverpool qui avait remporté la Ligue des champions en Europe, mais ils ont remporté aussi la Coupe du monde des clubs en décembre. Ça a été difficile. Il y avait quand même 2 matchs difficiles. Ils ont battu le club de Monterrey de la section CONCACAF 2-1 en demi-finale, une victoire de 1-0 en finale contre le club de Flamengo. Donc, Liverpool, il faut rappeler, Danny, que la Coupe du monde des clubs, c'est souvent le gagnant de la Ligue des champions en Europe qui remporte ça. Ils sont en avance en avance au niveau financier, c'est du gros cash, mais un résultat sur un match, tout peut arriver. Il faut rappeler, Danny, dans l'année que Lionel Messi a remporté son 6e ballon d'or. Ouais, donc, il a devancé un défenseur. Van Dijk, le défenseur de Liverpool. Moi, j'aurais vu Mané, l'Africain, qui avait une grosse saison comme attaquant avec Liverpool, mais il a terminé 4e. Et t'as Ronaldo qui a terminé 3e. Donc, au niveau masculin, Messi bat les records. Il devance Ronaldo de 1 ballon d'or, donc son 6e. Chez les femmes, c'est l'Américaine Rapinoe qui a remporté le ballon d'or féminin au niveau de la Planète Foot. Au niveau du meilleur jeune, au niveau du ballon d'or France Football, c'est Mathis Delaet, le joueur de Hollandais qui a remporté là. Et Alisson Becker a remporté le gardien à Chine, le meilleur gardien de l'année. C'est le gardien sur Alisson Becker, il joue pour Liverpool. C'est un Brésilien et il avait remporté la Copa América aussi avec le Brésil. Okay. Un tour de table des grands champions européens. Donc la Liga, c'est Barcelone qui remporte son 26e titre. Son 26e titre en Liga espagnole. La première ligue, Manchester City, qui a terminé première position, avec son 6e titre en Angleterre. Ils ont remporté aussi la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. Leur seule déception, c'est la défaite en quart de finale contre Tottenham. Quand je te disais tout à l'heure que Tottenham s'est trouvé une place surprise là, pour en Ligue des champions, mais c'est eux qui ont battu Manchester City, qui a eu une très grosse saison l'année passée. Et en Bundesliga, en Allemagne, le Bayern remporte un 29e titre en Ligue allemande. Ils ont gagné la Coupe d'Allemagne aussi pour une 19e fois. Eux aussi, en Ligue des champions, défaite en 8e de finale contre Liverpool. Donc, parce que ces clubs-là visent toujours la Ligue des champions en plus que le championnat de la saison aussi. Là. Et dans la Serie A en Italie, ben, le Juventus de Turin qui remporte eux un 37e titre d'année en Italie. C'est leur 8e de suite. Et ici en France, c'est le championnat qu'on connaît un peu aussi, le Paris Saint-Germain qui remporte un 8e titre. Enfin mentionné, Danny, le retour de Zidane au Real Madrid l'année passée. Parce que le président du Real, on ne veut que la première et deuxième position. Là, tu vois, on est en deuxième position. On a échappé la première à la fin de l'année 2019 avec un match nul la semaine dernière. Rappeler à la Coupe du Monde féminine d'année en France, la victoire des États-Unis contre les Pays-Bas 2-0. Et le dernier point, je te dirais, la Coupe d'Afrique des Nations, le semblant de l'Euro et de la Coupe Américaine, c'est l'Algérie qui a gagné un deuxième titre contre le Sénégal 1-0. Donc, je te dirais un peu le tour de la planète foot. OK. On va y aller maintenant avec ton troisième point. Tu veux. La MLS. Tu voulais me parler de la MLS, évidemment. C'était une finale entre Toronto et Seattle. C'est une finale qu'on est habitué d'y voir. Et oui, c'est Toronto qui a battu Atlanta. Hein. Ça a été une grande surprise. Toronto, l'effet Toronto a battu. Avec le départ de Jovinko, justement, Jovinko, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs avec le club d'Iran là, qu'il y avait là-bas, le club du Qatar, je crois. Là. Ben, c'est ça. Avec le départ de Jovinko, on pensait pas que Toronto allait revenir aussitôt dans les premières positions là, du championnat. Et oui, défaite en finale. On a battu des grosses équipes en quart et en demi-finale. Seattle, c'est leur deuxième titre. Faut rappeler les deux nouvelles concessions qui s'en viennent l'an prochain. Donc, l'Inter de Miami avec Beckham. On va jouer à Fort Lauderdale, un stade de 18 000 personnes. Et dans l'Ouest, Nashville qui s'en vient. Et on va jouer au Nissan Stadium, un stade de 69 000 personnes. Donc, les équipes qui s'en viennent en 2020. Et rappeler dans la MLS, la première saison de Marc Dos Santos qu'on a eu en onde ensemble, je me souviens. Ça a été difficile parce qu'on sait qu'avec le départ d'Alfonso Davis avec le Bayern de Munich, qui en passant, lui, est rendu dans le 11 partant, là, il va très bien dans le futur Davis. Il va super bien avec l'équipe nationale aussi. Donc, une fiche en 12e position dans l'Ouest avec 8 victoires seulement. Mais je pense qu'on est en saison de reconstruction. Moi, j'ai confiance en Dos Santos là, pour la prochaine saison. Là. OK. Soccer canadien, j'ai eu Samuel Piette dernièrement, puis on voit des choses positives du côté du soccer canadien. Oui, soccer canadien, Danny, l'équipe, je vais parler un peu de l'équipe féminine avant, qui a quand même été deuxième du groupe E à la Coupe du Monde en France féminine. Ils ont eu une bonne performance, mais tu vois que la grosse joueuse, Christine Sinclair, est en fin de parcours. Il faut rappeler qu'elle est à deux buts de devenir la meilleure marqueuse de tous les temps au niveau des femmes avec les sélections nationales, avec leur équipe nationale. Donc, c'est pour ça un petit peu, je pense qu'elle est encore dans l'équipe nationale. Là. On veut qu'elle batte ce record-là. Ils ont perdu 2-1 contre les finalistes aux Pays-Bas dans le groupe. Donc, elles ont terminé deuxième du groupe E. Et après ça, on a perdu 1-0 en huitième contre la Suède qui a fini troisième. Donc, des beaux résultats quand même parce que les Pays-Bas ont perdu en finale. Donc, ils ont perdu à Lyon devant quand même 55 000 personnes d'équipe canadienne. Et au niveau masculin, comme tu l'as mentionné, la première victoire du Canada contre les États-Unis depuis 34 ans, une victoire de 2-0 dans la Ligue des Nations CONCACAF. C'est dommage parce que le match retour, on l'a perdu 4-1 aux États-Unis. Et là, ça ramène le Canada plus loin là pour le Qatar 2022. Ça sera pas facile pour le Canada d'aller se classer. Aura fallu annuler contre les États-Unis au match retour pour peut-être tomber dans le groupe hexagone qu'on appelle de la CONCACAF pour permettre d'avoir plus de facilité pour aller au Qatar 2022. Mais en tout cas, à voir là, ce qui va arriver là, dans les matchs de qualification là, pour le Canada là, au printemps prochain, là, en 2020. OK. Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment c'était cette année au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Saguenay-Lac-Saint-Jean, Danny, moi, le gros point, il faut mentionner la fusion du club Saguenay, le nouveau club Saguenay. Oui, oui. Qui viennent d'être formés, les quatre clubs, donc on ferme boutique et on s'associe ensemble comme les autres sports ont fait avec le hockey et puis tout ça, donc c'était un mandat qu'on avait donné aux gens du soccer dans la région, dans le coin du Saguenay. Rappeler Maxime Pépin qui a été élu directeur général, qui a passé les entrevues, c'est lui, donc félicitations à Maxime, c'est lui qui va gérer ce nouveau club-là. On peut parler d'un club pour loin de 1500-2000 personnes là, pour 1500-2000 joueurs pour l'année prochaine. Moi, je siège au sein du conseil d'administration de l'association régionale. Donc, il y a des améliorations à faire. Il y a des situations à améliorer dans différents secteurs. Donc, on est assis à regarder ça avec les clubs. J'aimerais parler de la nouvelle ligue Centre intérieur allemand qui s'est partie en octobre 2019. C'est une première ligue. Il y a les équipes de Jonquière, Chicoutimi, Dolbeau, Saint-Félicien et Alma qui participent à cette ligue-là. Des catégories U12, U14 et U16, tant masculin que féminin. Donc, ça va se poursuivre après les fêtes. Donc, c'est une ligue intéressante parce que dans quelques années, on sait qu'avec Saguenay, peut-être, j'ai hâte de voir à quand la première pelletée de terre, là, c'est annoncé. Ah, ça, cette... Il n'y a pas eu l'histoire du budget qui va retarder encore, là? Ben, c'est ça. Probablement que ça va retarder le dossier encore. Moi, je peux te dire que de mon côté, écoute, il y a aussi, j'aimerais mentionner une équipe au niveau féminin, le U15, le Mistral de Jonquière, qui a été championne Québec Métro. Donc, je tiens à les mentionner. Donc, ils ont eu une très belle saison. Moi, de mon côté, le club d'Alma m'a fait un petit hommage pendant le mois de juin à un des bâtisseurs du club d'Alma. Donc, le festival était à mon nom. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment fun. J'ai eu un petit moment intéressant. Puis mon kiosque à Sport Soccer a fait la tournée des tournois de soccer dans la région aussi. Des maillots de soccer. Alors, j'étais à Robertval, j'étais à Alma. Donc, à travers tout ça. Donc, et j'aimerais mentionner un ami personnel. Oui, et une personne impliquée dans le soccer au club d'Alma depuis une dizaine d'années, Grégoire Martin, qui est parti, là, j'aimerais le saluer, là, souligner ce grand, un des bâtisseurs du club d'Alma aussi, qui je pense que dans le futur sera aussi honoré. Là. OK. On va faire une pause et par la suite, on va parler de l'impact. Qu'est-ce que tu prévois pour 2020? Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année du monde soccer avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer sur les ondes de danradiosport.com. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Ici Pierre-Luc Martin de la Ligue JMS. Au nom du conseil d'administration de la Ligue JMS, j'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année aux joueurs, parents, entraîneurs et tous les bénévoles de la Ligue. Nous vous remercions de l'intérêt et du temps que vous mettez pour les activités de la Ligue. Joyeuses fêtes et soyez prudents pendant cette période de festivités. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 88-276-6102. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On est de retour à danradiosport.com. Benoît, Thierry Henry a été nommé. C'est sûr, il faut lui donner sa chance. Mais c'est pas gage de succès, les grands joueurs. On a vu par le passé, on a vu des Magic Johnson, des Wayne Gretzky, des Maurice Richard qui ont été entraîneurs puis que ça a viré pas grand-chose. Mais on va lui donner la chance. Mais une chose est sûre, j'ai hâte de voir le recrutement. C'est sûr que c'est pas au mois de. Le mercato, c'est pas au mois de janvier qui est le meilleur. Mais ça pourrait aider, par exemple. J'ai hâte de voir. Ben moi, je pense que... Moi, j'ai très confiance en Thierry Henry. Je pense que là, on commence... J'ai oublié de mentionner le directeur sportif tout à l'heure. Ouais, Olivier Renard. Donc, on va travailler en collaboration avec Olivier Renard, avec Kevin Gilmour. On est en train de mettre en place tout ça, là, l'impact. Je pense que ça, on ne peut que voir du positif là-dessus. Thierry Henry, lui, a des preuves à faire, puis il va travailler en conséquence de ça. Maintenant... Oui, ça va prendre des annonces de joueurs un peu. Moi, je pense que ce qui manque, c'est un peu d'attaque pour aller mettre le ballon au fond. Bartelli, on parlait de Bartelli, quand il a été nommé, Bartelli avec l'impact, mais sauf qu'on disait que quelque part, On n'entend plus parler, par exemple. Ben, je veux dire, des annonces de joueurs. Tu vois, hier, j'ai vu passer qu'il y avait même. On a même fait. Il y a Iniesta, l'Espagnol, le gros, un des grands joueurs sur la planète qu'il y a eu dans les dernières années, qui était rendu. Il jouait en Chine, je pense. Et il y a trois clubs de la, MLS qui auraient démontré de l'intérêt, dont l'Impact de Montréal là-dedans aussi. C'est des rumeurs. C'est pour ça que là, tu sais, ça va, faut pas trop s'avancer avec ça. Tu sais, regarde Zlatan, il s'en va jouer en Italie, un retour en Italie. D'ici à avoir vraiment des noms confirmés. Et comme tu l'as mentionné, je pense que ça va se faire surtout peut-être à la fin des saisons européennes. Mais il va falloir que le projet soit intéressant pour essayer de convaincre. Peut-être qu'en attendant, on va être capable d'avoir quelques joueurs de Bologne aussi en attendant ça. Mais et là, qu'est-ce qui se passe avec Piatti? Attends, on parle de Thierry Henry qui a des problèmes. Piatti, j'ai vu un tweet de Jérémy Filosa qui disait qu'il y avait le 27 qui aurait une rencontre avec l'Argentine, avec un club argentin. Tu as vu ça passer de Filosa? Oui, ouais. Mais Piatti, qu'on le signe ou on le signe pas? Si on le signe pas, bon, ben, c'est parce qu'il va ailleurs, il est en fin de carrière et il veut retourner en Argentine. Et si on le signe, ben, c'est quand même un coup de dé aussi, là. Sa condition physique, la condition de son état de santé, c'est un grand questionnement aussi. Si Piatti avait joué 10 matchs de plus la saison dernière, ben, l'Impact est peut-être en série. C'est peut-être Garde qui est encore là, je sais pas, en tout cas, là. Mais là, à voir. Moi, je mets toute ma confiance en Thierry Henry. Et je pense que c'est un gagnant, c'est un winner. Puis il va trouver la formule. Tu sais, Monaco, ça n'a pas bien été, mais il n'est pas arrivé dans des conditions très gagnantes. Là. Fait qu'à ce moment-là, moi, je donne la chance à Thierry Henry. Puis je pense que ça va bien aller. L'Euro, il y aura l'Euro aussi en 2020? Oui, l'Euro 2020, avec le groupe de la mort qu'on a vu avec la France, l'Allemagne et le Portugal, c'est quand même tout qu'un groupe. Donc, intéressant à suivre au mois de printemps. Je t'annonce que probablement Sport Soccer aura un lieu encore pour diffuser les matchs de l'Euro. Je pensais que tu y allais. Ouais, j'avais pensé d'y aller, aller commencer à regarder ça, mais peut-être pas pour cet été, là. Je sais pas, en mode voyage pour l'été prochain. Donc, plutôt partager les moments des matchs, là, avec les amis, là, ici, au Lac Saint-Jean. Et, moi, je prévois peut-être, j'ai hâte de voir les performances de la France. Ça va être difficile. Ils devraient sortir de leur groupe quand même, mais j'ai hâte de voir où ils vont se rendre. Moi, je te dis que les Pays-Bas vont être surveillés. L'équipe des Pays-Bas, très dangereuse. Et quelle autre nation que je pourrais te mettre en force, là? L'Allemagne, mais en tout cas, il y aura quand même de bons joueurs aussi, de bons jeunes joueurs, à voir ce qui va se passer à l'Euro. Mais la France devrait être un club favori aussi, parce qu'il y a encore des gros noms. La plupart des gros joueurs de l'équipe de France sont dans les gros clubs français et performent en ce moment. La grande question, c'est Giroud, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce qu'il n'est pas sur le 11 partant de son équipe à Chelsea. C'est ça la grande question. On ne veut rien savoir de Benzema qui marque des buts avec le Real Madrid, et premier marqueur ou deuxième en Liga espagnole. Et on a décidé qu'on ne voulait plus avoir Benzema dans la sélection française. Donc, à voir pour l'été prochain. Il y a aussi la Copa América que je t'ai mentionné de retour. Peut-être la dernière chance de Messi de gagner quelque chose en Argentine et en Colombie. Donc, intéressant de suivre à ce niveau-là aussi. Bien entendu, la Ligue des champions qui va sortir. Il y a des huitièmes de finale qui vont se faire au mois de février, mars prochain. Moi, j'aimerais bien encore voir Messi remporter un dernier titre en Ligue des champions, mais il faut qu'avec Griezmann, on apprenne à mieux jouer ensemble, le trio Suarez-Griezmann. Ça a été difficile à l'automne dernier, mais je te dirais que à la fin, en décembre dernier, ça commence à bien aller les trois ensemble. Griezmann a dû réapprendre un nouveau système de jeu là qu'il faisait avec l'Atlético Madrid et qu'il ne faisait pas nécessairement avec Barcelone. Alors, il doit apprendre à ce niveau-là. Là. OK. Benoît, il me reste bien qu'à te souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Beaucoup de santé, de bonheur, de prospérité en 2020. Beaucoup de soccer également. Tu es un maniaque de soccer. Et on se reparle dès le début de 2020. Oui, salut Danny, à toi aussi, joyeuses fêtes, bonne année à toi aussi, puis à tous les amateurs, aux fans de soccer, qui suivent un peu Sport Soccer, qui fait son chemin tranquillement, pas vite. Alors, bonne année à 2020. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jean.